passe, où le temps passe. On se regarde en ne prenant garde, une rencontre éphémère qui nous mène au bord de la mer. De vie volée, de ces deux êtres qui se sont trouvés, sans regretter ces instants de vie volée, de ces deux êtres qui se sont aimés.